بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Nous poursuivons, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et son assistance, donc l'explication de ce texte, al-usul al-thalatha, les trois fondements. Donc un bref rappel par rapport à l'importance de cette science-là qui est l'aqidah, afin que n'entre pas, Inch'Allah, la lassitude pendant ces cours, c'est que la survie d'une communauté, quelle qu'elle soit, que ce soit la nôtre, donc la communauté de la vérité, bien la communauté, une communauté dans le faux, elle est fonction de la préservation de ses valeurs, de ses croyances. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque donc il a été envoyé à la Mecque, l'effort premier, prioritaire, qui a été celui de sa da'wah, c'est de justement enseigner le tawhid, de mettre en garde et de mettre en garde contre le shirk. Puis sont arrivées ensuite les différentes législations que vous connaissez, comme l'obligation de la prière, du jeûne, de la zakat, du pèlerinage, le hijab, l'interdiction du vin, etc. Toutes ces législations-là, qui ne vont être respectées et prêchées, valorisées que par des gens qui possèdent une aqida enracinée dans leur cœur. C'est pour cette raison que le prophète, alayhi salatu wassalam, et même Allah avant lui, lorsqu'il descend des versets, donc dans la période mécoise, ce sont essentiellement des versets enseignant qui est Allah subhanahu wa ta'ala, enseignant la grandeur d'Allah, enseignant la science d'Allah, enseignant la force, puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc et tawhid al-rububiyah, et aussi, et de manière encore plus accentuée, et tawhid al-uluhiyah, le tawhid de la divinité, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, motive et exhorte ses serviteurs à vouer un culte exclusif et les met en garde contre le fait de leur associer, d'associer quiconque à Allah subhanahu wa ta'ala dans quelque adoration que ce soit. Et aussi, il se fait connaître à travers ses noms et ses attributs subhanahu wa ta'ala. Donc, ilmu al-aqida, ayyuha al-ikhwa, c'est ce qui est le plus important dans notre vie. Ilmu al-tawhid, apprendre al-tawhid, comprendre le tawhid, savoir définir le tawhid, savoir qu'est-ce qu'une ibadah, savoir qu'est-ce que le kufr, savoir qu'est-ce que le tarout. Toutes ces choses-là, si elles sont inconnues par les musulmans, c'est le début de la fin. Parce que les gens adorent Allah subhanahu wa ta'ala à la jahl. Et beaucoup de groupes égarés, comme les exagérateurs soufis ou autres, ont parfois même plus d'adoration que les gens de la sunna. Le khawarij, par exemple, se sont égarés dans l'aqidah. Le prophète a.s.w. a dit, l'un d'entre vous, et il parle donc aux sahaba, l'un d'entre vous méprisera sa propre prière devant leur prière et son propre jeûne devant leur jeûne. Mais ils sortiront de la religion comme sort la flèche de l'arc. Et de quoi, dans quel domaine ils se sont égarés? C'est dans l'aqidah, dans la croyance. Donc il faut essayer de prendre, biiznillahi azza wa jal, ce que l'on dit au sérieux, le réviser, le comprendre, puis ensuite bien sûr le pratiquer. Car une science sans pratique, c'est une science qui est un problème pour la personne yawm al-qiyam. Donc essayons inshallah de comprendre, biiznillahi azza wa jal, ce qui est dit, et aussi de le pratiquer, inshallah. Mais avant la pratique, il faut la compréhension. Car l'acte est une ramification de la science. Si la science est mauvaise au départ, on ne pourra pas pratiquer de manière authentique. Donc il faut comprendre le tawhid. Il faut comprendre de manière profonde, pas de manière superficielle. Allah est unique comme ça. Non, il faut le comprendre de manière profonde. Surtout dans notre époque où il y a beaucoup d'inhiraf, de déviation à ce niveau-là. Et ça vient avec le temps, ça. Ça vient pas tout de suite. Ça vient avec la répétition. Et qui pense en écoutant une fois Usul Thalatha à tout comprendre, il se trompe. En plus, nous, on ne voit pas tout. Notre charh, il est superficiel. Donc, il faut beaucoup répéter, Inch'Allah. Beaucoup, bi'iznillahi azza wa jal, lire, les chourouh des savants, lire d'autres chourouh, celui de Cheikh Ibn Baz, celui de Cheikh Al-Uthaymeen, il y en a d'autres. En attendant que les frères, Inch'Allah, pour ceux dont ce n'est pas le cas, d'avoir un certain niveau d'arabe, pour pouvoir apprendre l'aqida en arabe. Car c'est la base. En français, alhamdoulilah, on voit les gros points, Inch'Allah, indispensables. Chaque musulman est musulmane, mais ce n'est pas comparable avec le fait d'étudier ces points-là en arabe. Donc on poursuit, bi'iznillah azza wa jal. Nous sommes donc arrivés à la troisième partie de l'introduction. Nous avons expliqué les deux premières parties. Nous arrivons désormais, Inch'Allah, à la troisième partie dans laquelle le Cheikh rahmatullahi alayhi dit اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Donc dans le sens des paroles du Cheikh Rahimahullah, il dit: sache qu'Allah te guide vers son obéissance, que Al-Hanifiyya, la religion d'Ibrahim, est l'adoration d'Allah unique, tout en étant sincère, tout en lui vouant un culte exclusif. Et c'est ceci qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à tous les humains et les a créés pour cela. Tout comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et je n'ai créé les génies et les hommes seulement pour qu'ils m'adorent. Et le sens de « ils m'adorent », c'est qu'ils m'unicisent. Et la chose la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné est le tawhid, et c'est l'isolation, ifradullah bil ibadah, donner le statut d'unique à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, ou bien vouer une adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la chose la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite est le shirk. Et le shirk est l'invocation d'autrui avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et adorer Allah et ne lui associer rien. Le shirk rahmatullahi alayhi a commencé donc cette troisième partie de l'introduction en disant « I'lam ». أرشدك الله لطاعته اعلم. Donc le commentaire, un de cette expression est déjà passé dans les durus précédents. C'est-à-dire le cheikh utilise cette expression-là pour attirer l'attention du lecteur. Pour attirer l'attention du lecteur. Car le lecteur, avec le temps et avec les nombreuses expressions qu'il a déjà lues, a peut-être un moment dans lequel il est insouciant, mal concentré. Donc le cheikh répète cette expression-là afin que la concentration du lecteur se renouvelle. Et aussi pour montrer que ce qui va être cité est important. Et comment cela ne serait-il pas important alors que ce qu'il va évoquer, c'est la religion d'Ibrahim, qui est notre religion, comme nous allons le voir, et la religion de tous les prophètes, alayhimu salatu wassalam. Et ces notions-là, si elles sont absente de la vie du musulman ou de l'individu plutôt, il n'est pas musulman. Donc nous allons aborder des wajibat, des obligations, comme nous l'avions vu auparavant, et ce sont des obligations qui sont au plus haut niveau d'obligation, car ce sont des usul, des fondements de la religion. Si ceux-ci sont absents de la vie de l'individu, cette personne-là est mécréante. Il dit donc i'lam أرشدك الله لطاعته أرشدك الله أرشدك الله كالله تجيد كالله تدن لكونستانس. شيخ العثيمين رحمة الله عليه دي الرشد الاستقامة عن طريق الحق. C'est la constance sur le chemin de la vérité. Donc le cheikh fait une dua ici au lecteur. أرشدك الله qu'Allah te guide, qu'Allah te mette et te donne la constance sur le chemin de la vérité. Ça, ça montre la shafaqa, la compassion, la rahma, la miséricorde. Et l'attention qu'a ce sheikh-là, rahmatullahi alayhi, pour son lecteur, et le souci qu'il a de l'amener à la vérité. Arshadakallahu li ta'ati. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc te mette, te guide, te donne la constance dans son adoration. Qu'est-ce que atta'a dans son obéissance? Qu'est-ce que atta'a? Cheikh Al-Uthaymeen dit atta'a muwafaqatul muradi fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdhur. C'est être en accord avec al murad, c'est-à-dire al amru shar'i, être en accord avec les ordres législatifs, fi'lan lil ma'mur, en faisant ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa tarkan lil mahdhur, et en délaissant ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. I'lam arshadaka Allah li ta'atihi anna al-hanifiyyata. Anna al-hanifiyyata. Qu'est-ce que al-hanifiyya? Al-hanifiyya nisbatun ila al-hanif. Donc c'est en lien avec le mot hanif. Wa al-hanif ma'khudun min al-hanaf. Et al-hanif c'est pris du mot al-hanaf. Al-hanaf dans la langue arabe c'est al-mail, la déviance. Al-hanaf dans la langue arabe, c'est ça pour sens al-mail qui est la déviance. Yuqalu fulanun fi rijlayhi hanafun. On dit telle personne a dans ses pieds, en arabe, on dit telle personne a dans ses pieds un hanaf, c'est-à-dire une déviance. Lorsque quelqu'un a des pieds qui sont déviants, donc c'est quelqu'un que l'on qualifie ayant un hanaf dans ses pieds. Donc al-hanaf c'est al-mail, c'est la déviance. Donc al-hanifiyya qui est millatu Ibrahim comme le cheikh a dit, qui est la religion d'Ibrahim comme nous allons le voir, elle est explicitée, elle est expliquée dans le shar' comme étant al-mail 'ani shirk qasidan at-tawhid ma' al-thabat 'alayh. Donc c'est la déviance du shirk, la milla de Ibrahim alayhi salam, c'est la déviance du shirk qasidan at-tawhid, tout en visant le tawhid, tout en ayant pour objectif le tawhid, donc de le comprendre et le pratiquer, ma'a thabati alayh, tout en étant constant sur celui-ci. Donc, al-maylu ani shirk, la déviance du shirk, ça c'est clair, c'est pris du sens, donc linguistique, al-hanaf, qui est la déviance, donc la déviance du shirk. La déviance du shirk n'est pas suffisante, hein, se dévier du shirk, tout en visant le tawhid, tout en visant le tawhid ma'a thabati alayh, tout en étant ferme sur celui-ci et constant. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh, lui, explique al-hanif par al-mustaqim, le constant. C'est-à-dire celui qui est cramponné à l'islam, orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala et se détournant de tout ce qui est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons deux paroles concernant l'explication de al-hanif, al-hanifiyya. Al-Hanif, donc nous avons la première explication que nous avons pris du mail qui est la déviance, donc la déviance de l'associationnisme tout en visant le tawhid. Et le deuxième sens, c'est celui donné par Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, qui est al-istiqama, la constance. Al-istiqama, c'est un mot qui est plein de sens en arabe, qui ne veut pas dire simplement la constance. Car l'istiqama renvoie certes le fait de toujours avancer dans la bonne direction, mais aussi de ne pas dévier sur les côtés. Donc il y a la notion d'avancement de derrière vers devant, mais il y a aussi l'autre sens de ne pas dévier sur les côtés, en allant soit vers le chemin de ceux qui ont su et pas pratiqué, qui sont les juifs, ou bien ceux qui ont pratiqué sans savoir, qui sont les chrétiens, ou bien tout autre chemin égaré. Donc Ibn al-Qayyim lui dit que c'est la constance sur le tawhid. Donc on a ces deux paroles-là et on peut donc les réunir pour en faire une définition qui va réunir ces deux-là et dire que al-hanifiyya, donc c'est al-maylu 'ani shirk, la déviance, se dévier du shirk, c'est-à-dire délaisser le shirk, qasidan at-tawhid, tout en visant at-tawhid, avec la constance sur ce chemin-là. Donc ça, c'est le sens de l'hanifiyya. Le shir a dit, donc, اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة avec la fatha أن الحنيفية ملة إبراهيم. Donc là, si on veut traduire en français, on ne doit pas dire sache qu'Allah te guide vers sa son obéissance, que al-hanifiyya est la religion d'Ibrahim. Non, il faut enlever le EEST là. Il faut traduire en disant sache qu'Allah te guide donc vers sa son obéissance. Que la religion, que Al-Hanifiyya, virgule, la religion d'Ibrahim, et le EEST, on va le mettre après. Et le fait d'adorer Allah. Donc là, Millata Ibrahim, c'est un mot qui remplace Al-Hanifiyya. Donc qu'est-ce que Al-Milla? Al-Milla fi shar' dans la législation, hiya ad-din. Al-Milla, c'est le din, c'est la religion. Et dans la langue arabe, qu'est-ce que veut dire Al-Milla? Dans la langue arabe, c'est pris de Al-Malal. Al-Malal, qui veut dire Al-Tikrar ou Al-Mu'awada. Le Malal, c'est la répétition. Quelque chose qui revient fréquemment. Al-Malal. Et Al-Milla est pris de cette expression qui est Al-Malal. On dit en arabe Tariqun Malil. Un chemin, une route, un sentier Malil, qui est aussi pris de Al-Malal. Lorsque c'est un chemin que l'on prend souvent et que c'est un chemin qui est souvent emprunté de la même manière. Wa minhu al-malal. Et le malal, donc la lassitude, provient de ce sens-là linguistique qui est la fréquence et la répétition. Et al-malal, c'est un sentiment qui atteint l'âme du fait donc de la répétition d'une situation ou autre que l'on traduit nous en français par la lassitude. Donc la milla d'Ibrahim a été appelée milla. Pourquoi milla? Elle a été appelée milla parce que Ibrahim alayhi salat wa salam répétait son manhaj, répétait sa voix qui était l'appel vers le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa pratique. Donc sa milla, les récits d'Ibrahim alayhi salam dans le Coran tournent autour donc de cette da'wah-là qui était la da'wah au tawhid pur en délaissant tout associationnisme à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc du fait de la répétition constante par Ibrahim alayhi salam de cette prêche-là, sa religion a été appelée dans le Coran Millah, qui est donc épris de la répétition et de la fréquence dans la langue arabe. Donc ça c'était le sens linguistique. On a dit dans le Shara que c'est donc le din, c'est la religion. Millatu Ibrahim. Donc on peut remplacer Milla par Din et dire Dinu Ibrahim. Millatu Ibrahim, c'est le synonyme de Dinu Ibrahim, donc la religion d'Ibrahim alayhi salam. Donc il y a une différence entre Al-Hanifiyya et la Milla donc d'Ibrahim dans la langue arabe, mais pas dans le Shara. Donc dans la langue arabe, on a dit Al-Hanifiyya, c'est pris de la déviance. Et Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh dit que c'est l'istiqama. Alors que al-milla, c'est pris de la fréquence et la répétition. Donc dans la langue arabe, il y a une nuance qui différencie ces deux notions. Alors que dans shara, dans la législation, ce sont des synonymes. Ad-din, al-milla, millatu Ibrahim, al-hanifiyya, tout ça, ce sont des synonymes. Et ce sont les synonymes de Al-Islam, que nous avions vu dans nos premiers cours, dans le sens am, dans le sens législatif général, donc la religion des prophètes. Donc la Milla d'Ibrahim, comme nous allons le voir, donc c'est Ibadatullah, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu, seul, uniquement, mukhlisan lahu ad-din, avec ikhlas. Donc ça, c'est la religion de tous les prophètes. C'est Millatu Adam, c'est Millatu Nuh, c'est Millatu Yusuf, c'est Millatu Ishaq, c'est Millatu Ayyub, c'est la Milla de tous les prophètes, c'est Millatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes avaient la même Milla, qui était donc l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul et unique, et délaissé toute forme d'associationnisme. Mais pourquoi est-ce que donc le shir ici a dit Millatu Ibrahim, et il n'a pas dit Milla d'un autre prophète? Pourquoi est-ce que cette Milla, cette religion-là, donc a été spécifiée comme étant celle d'Ibrahim alayhi salam et que ce n'est pas un autre prophète donc qui a été cité. Donc la première chose, c'est le Cheikh a choisi cette expression-là parce que c'est l'expression du Coran. Parce que c'est l'expression du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَقَالُوا كُونُوا هُودَنَا وَنَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils ont dit, soyez juifs ou bien chrétiens et vous serez bien guidés. Dis, je suis la religion de Ibrahim Hanifa. Nous avons expliqué qu'est-ce que Hanif. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Et il ne faisait pas partie des associateurs. Sourate Al-Baqara, verset 135. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi قُلْ صَدَقَ اللَّهِ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dit, Allah a dit vrai, et suivez donc la religion d'Ibrahim, Hanifa, donc tout en étant Hanif, nous avons expliqué le sens, وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, et il ne faisait pas partie des associateurs. Sourate Ali Imran, verset 95. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié cette mille-là comme étant celle de Ibrahim, d'abord parce que c'est son bien-aimé. C'est Khalil ur-Rahman. Ibrahim alayhi salam, c'est l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala a pris Ibrahim comme bien-aimé intime. Sourate An-Nisa, les femmes, verset 125. Et aussi Ibrahim alayhi salam est le père des prophètes. Aboul Anbiya, c'est le père des prophètes alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'on veut dire par père des prophètes alors qu'il y en avait d'autres avant lui? Dans le sens où tous les prophètes qui arrivent après lui sont de sa descendance. Soit de Ishaq, comme c'est le cas de tous les prophètes, soit de Ismaïl alayhi salam, comme c'est le cas seulement et uniquement de notre prophète Mohammed ibn Abdillah alayhi salatu wassalam. Donc, la millah, la religion, a été attribuée à Ibrahim alayhi salam pour ces raisons. Une autre raison aussi, pourquoi est-ce que cette millah a été donc attribuée à Ibrahim alayhi salam, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé donc à différentes tribus, différents peuples, tous se prétendant étant sur la millah d'Ibrahim. Tous s'identifiant à la religion d'Ibrahim alayhi salam. Quraysh se disait adepte de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Les juifs se disaient adeptes de la millah d'Ibrahim alayhi salam. Les chrétiens se disaient adeptes aussi de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. Oh, les gens du livre chrétien et juif, pourquoi est-ce que vous polémiquez au sujet d'Ibrahim alors que la Torah et l'Évangile ont été descendus après lui? Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. Ibrahim n'était pas juif et non plus n'était pas chrétien, mais il était hanif muslima. C'était quelqu'un de hanif, se déviant du shirk, visant le tawhid, étant constant sur lui, muslima, tout en étant musulman, alayhi salatu wassalam. Donc le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, a été envoyé, et il a donc rencontré ces différents peuples, tous se prétendant étant sur la religion d'Ibrahim, alayhi salam, mais tous n'étant pas sur le tawhid. Les chrétiens n'étaient pas sur le tawhid, les juifs n'étaient pas sur le tawhid, et Quraysh aussi n'étaient pas sur le tawhid. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a montré dans le Coran que la millah d'Ibrahim alayhi salam, c'est donc la religion du tawhid pur, du délaissement, de l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la différenciation avec les juifs, les chrétiens et les mouchriquines, les associateurs de Quraysh, s'est faite par l'envoi du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc le prophète alayhi salatu wa salam ursila mujaddidan li millati Ibrahim. Il a été envoyé comme revivificateur de la milla, de la religion d'Ibrahim alayhi salatu wa salam. D'où une parenthèse par rapport à la prêche égarée de certains qui eux justement se réunissent avec les juifs et les chrétiens et évoque Ibrahim alayhi salatu wassalam comme étant un rond-point donc où les différents chemins se rejoignent. Alors que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, au contraire, lui, est venu prétendant la millat d'Ibrahim et justement rejetant le fait que les juifs et les chrétiens étaient sur la millat d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est un dhulm, c'est une injustice faite à ce prophète-là et faite à cette religion du monothéisme pur que de donc s'asseoir avec des juifs et des chrétiens et leur faire croire qu'effectivement on se rejoint tous en Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ceci est un mensonge car s'ils suivaient réellement Ibrahim alayhi salatu wassalam, ils seraient sur le tawhid, et ce qui n'est pas leur cas. Donc quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de suivre la millah d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, vous avez compris, c'est clair, c'est-à-dire dans ses fondements du tawhid et non pas dans ses shara'i', dans les législations concernant la nourriture, le vêtement ou autre. Ça, chaque prophète est venu avec sa législation, et la législation du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam abroge la législation de Ibrahim alayhi salatu wassalam concernant le vêtement, concernant le mu'amalat, les relations, concernant les formes de mariage et tout le reste du fiqh. Au niveau jurisprudentiel, le seul prophète que nous suivons est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc nous avons compris que la milla d'Ibrahim alayhi salatu wassalam est la déviance du shirk, tout en visant le tawhid, en restant constant sur celui-ci. Et c'est la milla de tous les prophètes. Et nous avons expliqué pourquoi est-ce que la milla avait été attribuée à Ibrahim alayhi salatu wassalam, donc dans le Coran. Donc, « I'alam arshadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim » Sache qu'Allah donc te guide, te donne la constance dans son obéissance, que Al-Hanifiya, virgule, la religion d'Ibrahim, an ta'budallaha wahdahu, mukhlisan lahuddin. Le Cheikh rahimahullah donc explique là, à travers cette expression, an ta'budallaha wahdahu, mukhlisan lahuddin, explique donc qu'est-ce que la milla de Ibrahim alayhi salatu wassalam, en disant donc que la milla d'Ibrahim, c'est l'adoration d'Allah unique, mukhlisan lahuddin, tout en lui vouant un culte exclusif. An ta'budallaha wahda. Ça, c'est le premier pilier. Le premier pilier, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième pilier, c'est la sincérité dans cette adoration. Donc celui qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas sur la milla d'Ibrahim alayhi salam. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala en lui associant quelqu'un, quelque chose, n'est pas sur la milla d'Ibrahim alayhi salam. Et celui qui adore seulement autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est encore moins sur la milla d'Ibrahim alayhi salam. Donc nous avons déjà défini qu'est-ce que al-ibadah. Dans nos cours précédents, nous reprenons, inshallah, qu'est-ce que al-ibada. Nous avions dit que al-ibada, dans la langue arabe, hein, c'est pris de, on dit en arabe, tariqun mu'abbad, une route aplanie. Une route aplanie. Car dans la langue arabe, al-ibada, ça renvoie au tazallul wal-khudu', à l'humiliation, et al-khudu', le rabaissement, l'obéissance. Al-ibada, dans la langue arabe, c'est pris de ces expressions-là. Les savants disent que ça ne sort pas de ces deux expressions. Al-tadhallul, qui est l'humiliation, et al-khudu', le rabaissement, l'obéissance. Ça, c'est dans la langue arabe. Nous avions dit, dans le shara, dans la législation, al-ibada, qui est donc un masdar. Le masdar, c'est le nom de l'action faite par le sujet. Le nom de l'action faite par le sujet. Adoration. En arabe, on peut traduire donc al-ibadah soit par le masdar, qui est donc ce que fait celui qui adore. Celui qui prie devant moi. Quelqu'un se lève devant moi et fait 2 rak'at. L'action qu'il est en train de faire, l'ensemble de mouvements qu'il fait, ça renvoie au sens du masdar. Qu'est-ce que fait cet individu? Une adoration. Ça, c'est le sens masdari. Puis, il y a le sens ismi. Al-ma'na al-ismi, ça, c'est le nom. c'est le, dans le sens nominal et non pas du masdar, c'est les unités de l'adoration. C'est la définition que nous avions donnée de Cheikh Ibn Taymiyyah. La salat est une adoration. Le jeûne est une adoration. La sadaqa est une adoration. Se passer le siwak, c'est une adoration. Et quelqu'un qui se passe le siwak devant moi, il est en train de faire quoi? Son action, c'est une adoration. Son action, c'est une adoration. Donc le sens masdari. Donc dans le sens du masdar, dans le sens de l'action faite par le sujet, nous avions dit que l'adoration, c'est fondée sur deux piliers, comme a dit Cheikh Ibn Taymiyyah dans son livre Al-Ubudiyya, la servitude, Rayatul Dhul, l'humiliation extrême, wa Rayatul Mahabba, et l'amour extrême. Et comment est-ce qu'on va le définir? Donc dans le sens masdari, de l'action que fait la personne, At-tadhallulu lillah, l'humiliation pour Allah subhanahu wa ta'ala, bit-ta'a, en lui obéissant, bi-fi'l al-ma'mur, en faisant ce qui est ordonné, wa tark al-mahdhur, et en délaissant ce qui est interdit. Ça, c'est concernant le sens masdari. Donc la première définition de l'adoration dans le sens masdari, donc action faite par le sujet, c'est at-tadhallul, l'humiliation, le rabaissement devant Allah subhanahu wa ta'ala par son obéissance, en faisant ce qu'il a ordonné et délaissant ce qu'il a interdit. Puis si l'on prend en compte le sens ismi, nominal, donc nous avions donné la définition de Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi qui dit ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal-a'mal adh-dhahirati wal-batinah. C'est un nom rassemblant tout ce que Allah aime et agrée comme parole et acte intérieur et extérieur. Donc c'est tout ce que Allah a recommandé et rendu obligatoire. Tout ce que Allah a recommandé, le mustahab, et a rendu obligatoire le wajib, en parole et en acte. D'où la parole d'Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dans Madarij Salikin, le sentier des itinérants. Il dit donc que l'adoration tourne autour de 15 fondements, celui qui les complète aura complété l'adoration. Et il a expliqué qu'il y en avait, que l'adoration tournait autour de la langue, du cœur et des membres du corps. Et qu'à chaque domaine, donc chaque partie, il y avait les 5 statuts juridiques présents. Donc l'obligation, le wajib, il y a des choses qui sont obligatoires pour la langue. Il y a des choses qui sont mustahab. Des choses, des paroles qui sont recommandées. Il y a des paroles qui sont permises. Il y a des paroles qui sont makruha, détestables. Et il y en a qui sont muharrama, interdites. De même pour le cœur et le corps aussi. Il y a des choses qui sont permises, il y a des choses qui sont obligatoires, d'autres recommandées, d'autres détestables et d'autres interdites. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah dit que c'est un nom général, l'adoration dans le sens nominal, un nom général rassemblant tout ce que, un nom rassemblant tout ce que Allah aime et agrée en paroles et actes intérieurs et extérieur. Donc là, il parle des unités de l'adoration. Donc la ibada a lieu avec le cœur, la langue et le corps, comme a dit Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh. Donc Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit "An ta'bud Allah", que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a vu le sens de l'ibada. Wahdahu, seul. An ta'bud Allah wahdahu. Donc si on adore Allah subhanahu wa ta'ala et on adore avec lui quelqu'un, ce n'est pas donc la milla d'Ibrahim alayhi salatu wa salam, que tu adores Allah wahdahu de manière unique. Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala de manière unique, il faut obligatoirement répondre à deux critères. Il faut obligatoirement deux choses. La première, al-ilmu bil-ibada. Al-ilmu bil-ibada. Savoir qu'est-ce que al-ibada. Je ne dis pas savoir comment faire l'ibad. Savoir que la prière est une ibad. Savoir que le jeûne est une ibad. Savoir que l'amour est une ibad. Ça, c'est clair que la prière, c'est une ibad. La plupart des gens le savent. Que le jeûne, c'est aussi une ibad. La plupart des gens le savent. Mais quand tu dis, il ne faut pas aimer autre qu'Allah. Et autre qu'Allah, il faut l'aimer en Allah, pour Allah. Là, beaucoup ne comprennent pas. Donc, tu entends des phrases, moi j'aime tout le monde. J'aime les juifs et les chrétiens, j'aime les laïcs, j'aime les démocrates. Parce que la personne n'a pas compris que Al-Mahabba, qui fait partie des actes donc, du cœur, est aussi une ibad. Donc, il faut savoir quelles sont les ibadat. Savoir, est-ce que cet acte-là est une ibada ou pas. Et ensuite, cet acte-là, une fois que l'on sait que c'est une ibada, une adoration, à ce moment-là, deuxième chose, il faut qu'il soit voué uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le shaykh, ensuite, dans un autre chapitre, va nous donner un ensemble de ibadat, du corps et du cœur, de la langue, et il va nous donner des règles, pour que l'on puisse savoir d'abord comment est-ce que l'on reconnaît une ibada, comment on définit que tel acte est une ibada, ça on verra les règles, il va les donner, inshallah. Et donc, « Anta'budallaha wahdahu » La milla d'Ibrahim, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, unique. « Mukhlisan lahuddin » « Mukhlisan » Là, on a donc un nasb. Pourquoi est-ce qu'on a la fatha « Mukhlisan » Ce n'est pas « Mukhlisun » parce que ça montre un état, c'est un « hal ». C'est-à-dire tout en étant sincère, tout en lui vouant un culte exclusif. La milla d'Ibrahim, donc c'est adorer Allah seul, tout en étant sincère, donc dans notre adoration. Et cette expression-là, mukhlisan lahuddin, en réalité, c'est un ajout. C'est un ajout qui simplement vient appuyer et insister ce qui a été dit précédemment dans anta'budallaha wahda. Car adorer Allah uniquement, c'est suffisant. Adorer Allah uniquement, il y a là-dedans les deux piliers que nous avons cités de la milla d'Ibrahim, qui sont l'adoration et la sincérité. La sincérité, on le prend de wahdahu. Anta'budallah, il y a le premier pilier qui est l'adoration. Wahdahu, il y a le deuxième pilier qui est la sincérité. Mukhlisan lahuddin, c'est en plus. C'est une expression que le cheikh a mis simplement pour insister. Et qu'est-ce que Al-Ikhlas? Qu'est-ce que Al-Ikhlas? Al-Ikhlas, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dit dans son charh, « Huwa tanqiyatu ». « Huwa tanqiyah », c'est la purification. Donc c'est purifié dans la langue arabe. La purification, donc de toute impureté. « Ikhlas ul-asal », c'est purifier le miel. Le miel, lorsqu'il comporte des choses, des impuretés ou autres, on les enlève avec les techniques connues par les gens du domaine, afin que ça devienne un miel pur. De même, ikhlasul labani, la purification du lait. Une fois qu'il a été dans le seau, dans les citernes ou autres, il y a peut-être des impuretés. Donc, faire son ikhlas, c'est un masdar le ikhlas. Al-ikhlas, là aussi, il y a les deux sens, masdar et nom. Il y a le sens ikhlas qui est purification. Là, c'est clair, le français facilite, purification. Et il y a le sens ismi qu'on va traduire par pureté. Donc, ikhlas, il y a le sens de pureté. Donc, ça, c'est l'état. Et il y a le sens du masdar, qui est le fait de purifier quelque chose. Donc, l'ikhlas, c'est tanqiya, c'est la purification dans la langue arabe, comme dit Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi. Et dans shara, donc, c'est la purification de notre intention, hein, de tout ce qui vient lui faire défaut en shirk asrar, en petit shirk, ou bien en grand shirk. En petit shirk, comme la petite ostentation, le peu d'ostentation, ou bien shirk akbar, qui est donc voué une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien à quelqu'un avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, al-ikhlasu, je poursuis les paroles de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, al-ikhlasu huwa tanqiyatu. Donc, al-ikhlas, c'est la purification. Wal muradu bihi an yaqsid al-mar'u bi'ibadatihi wajha Allah azza wa jal. Donc, c'est le sens de cela, c'est que l'individu vise à travers son adoration le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal wusula ila dari karamatihi. Et l'atteinte donc du paradis, بِحَيْثُ لَا يَعْبُدُ مَعَهُ غَيْرَهُ, de manière à ce qu'il n'adore pas avec autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'adore pas avec Allah subhanahu wa ta'ala autrui, لَا مَلَكَ مُقَرَّبْ, pas d'ange rapproché, وَلَا نَبِيٌ مُرْسَلْ, et ni un prophète donc envoyé. قال الله تعالى, Allah عز وجل a dit, ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة, puis nous t'avons révélé de suivre la ملة d'Ibrahim حنيفة وما كان من المشركين, et il ne faisait pas partie des associateurs. Cheikh Mohamed Abdel Wahhab dit ensuite, وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. Non, et c'est ceci qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné donc à tous les humains et pourquoi il les a créés. Donc le shir nous dit ici que c'est pour ceci, à quoi est-ce qu'il renvoie? L'adoration. L'adoration sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala exclusive. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ceci à tous les gens, à tous les humains. Il aurait été mieux qu'ils disent à tous les gens et génie, à toute la création, à tous les gens et génie, car ce ne sont pas seulement les humains qui ont reçu cet ordre-là. Wa khalaqahum laha, et il les a créés pour cela. Et le délil cité donc par le shir est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shir, nous rappelons cette règle-là, ces paroles ne sont pas des preuves de manière indépendante. Donc on ne prend pas comme ça les paroles de quelque shir que ce soit sans voir les fondements de ces paroles dans le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est ce qu'a fait le shir tout au long de cette épître-là, car c'était quelqu'un qui n'appelait pas lui au taqlid a'ma, au suivi aveugle. Il aurait pu écrire quelque chose sans aucun verset et sans aucun hadith, mais non, il apporte les délils, les preuves, hein, pour enseigner à cette personne qui lit qu'il faut être en lien avec le livre d'Allah et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Il a donc apporté le verset de sourate Al-Dhariyat, verset 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, je n'ai créé les génies et les hommes et les humains seulement pour qu'ils m'adorent. Donc dans ce verset-là, il y a la preuve de tout ce qu'a dit le shirk quasiment depuis sa parole, que la milla d'Ibrahim, an ta'bud Allah wahdah mukhlisan lahu ad-din. Donc ce verset-là, qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il y a donc deux parties dans ce verset. Le premier, wa ma nafiya. C'est une négation. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Je n'ai créé les génies et les hommes. Donc ça, c'est une négation. Illa exception. Sauf illa liya'budun, afin qu'il m'adore. Et ça fait partie des plus grandes formules de ce qu'on appelle hasr, exhaustivité, exclusivité. C'est lorsqu'il y a une négation et qu'ensuite il y a exception faite après celle-ci. Ce qu'on appelle al-istithna'u ba'da an-nafi. Al-istithna'u, qui est l'exception, ba'da an-nafi, après la négation. Je n'ai créé les génies et les hommes. Donc ici, Allah ne donne pas de raison et de sagesse. Pourquoi? Il dit, je n'ai créé les génies et les hommes, sauf pour qu'ils m'adorent. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala avait dit, j'ai créé les génies et les hommes pour qu'ils m'adorent, ceci ne montre pas l'exhaustivité, l'exclusivité de cette sagesse-là. لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ, donc je n'ai créé les génies, wal ins, et les êtres humains, illa sauf liya'budun, ce lem là, liya'budun, ce lem, c'est lem ta'lil, c'est le lem montrant la raison, la cause de ce qui le précède. Qu'est-ce qui précède le lem? La création. Je n'ai créé les génies et les hommes, illa sauf liya'budun, afin que, ça on le traduit par afin que, le lem là, liya'budun, afin que, ya'budun, afin qu'il m'adore. Et ce lème-là, donc, il va montrer la sagesse. Quelle est la sagesse? C'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça montre quoi? La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça montre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala législative ou bien la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala universelle? législative. Si c'était la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala universelle, tout le monde adorerait Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on serait obligé de dire que celui qui se prosterne devant la statue, celui qui est mécréant, adore Allah subhanahu wa ta'ala. Car on avait dit que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala universelle, jamais n'est pas concrétisée. Elle est toujours concrétisée. Je n'ai créé les génies et les hommes seulement, donc la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé, c'est parce qu'il veut d'eux qu'il l'adore. Il veut d'eux qu'il l'adore dans le sens législatif, pas dans le sens universel, sinon tout le monde adorerait Allah subhanahu wa ta'ala. Illa liya'budun. Donc lui a fait le premier, qui est la création, pour que eux fassent le second, qui est donc l'adoration. Illa liya'budun. Liya'budun, ici, il y a deux tafsirs, majoritairement chez les salafs, rahmatullahi alayhim, dans le sens illa liya'budun. Le premier tafsir est celui qu'a donc cité Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab lorsqu'il a dit wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni. Et le sens de ya'buduni, il m'adore, yuwahhiduni, il m'unicise. Il, vous comprenez pourquoi j'utilise le mot verbe uniciser, le verbe uniciser. Le sens de il m'adore, c'est il m'unicise, c'est-à-dire il déclare mon unicité. Il me donne le statut d'unique dans ma seigneurie, dans ma divinité, dans mes noms et mes attributs. Donc ça, c'est le sens de Ya'budun choisi par Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Et il a été rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, toutes les expressions, U'budullah, adorer Allah, dans le Coran, c'est Wahidullah, c'est donc uniciser Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a été rapporté qu'Ibn Abbas a dit cela, que toutes les expressions U'budullah, adorer Allah, dans le Coran, elles ont pour sens wahidullah. Et ça, comme on va le voir, c'est le tafsir de certains salafs, c'est le tafsir donc d'une notion générale par certaines de ces unités. Et c'est ce qu'a fait Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, comme on va le voir dans son texte, on va le découvrir par des expressions qu'il va utiliser. Et un deuxième sens de ya'budun, illa liya'budun, rapporté aussi par certains salaf, Ali radiallahu anhu, a des paroles donc dans ce sens-là. C'est ya'budun dans le sens de l'adoration que l'on avait donnée tout à l'heure, qui est at-tadhallul, donc l'humiliation, pour Allah subhanahu wa ta'ala, en lui obéissant, en faisant ce qu'il a ordonné et en délaissant ce qu'il a interdit. Ça, c'est un deuxième sens de illa liya'budun. C'est un sens plus général, car le tawhid entre dans là-dedans. Le tawhid entre dans le tadhallul, l'humiliation devant Allah subhanahu wa ta'ala, en lui obéissant, en faisant ce qu'il a été ordonné. Ça rentre là-dedans, le tawhid, en faisant ce qu'il a été ordonné. Le tawhid entre là-dedans. Et en délaissant ce qu'il interdit, en délaissant le shirk, sans lequel il ne peut pas y avoir de tawhid, ça entre aussi dans ce que Allah a interdit. Donc ce sens-là est plus général et il est plus authentique que traduire ya'budun par yuwahidun. Donc le shirk a choisi ce sens-là de ya'budun, il a choisi le sens yuwahidun, c'est-à-dire seulement pour qu'il m'unicise, voulant montrer que l'adoration ne peut être authentique sans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas y avoir d'adoration authentique, valide, si elle n'est pas faite avec le tawhid. Ça, on l'a souvent répété, l'adoration, elle est valide si elle répond à deux critères. Le premier, al-ikhlas, al-tawhid. Le deuxième, al-mutaba'a, le suivi du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc c'est pour cette raison que le shir a amené ce tafsir-là, qui est le tafsir d'une généralité par certaines de ses unités. Et ça, souvent, on le trouve dans les paroles des salafs. Ils vont donner le tafsir de une notion qui est générale par certaines de ses unités. Et ils ne visent pas par cela donc la spécification de cette unité, de cette généralité dans le verset. Ce n'est pas ce que visent les salafs à travers cela. Ça, on le trouve beaucoup dans le Coran. Puis le shir dit « Wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tawhid wa huwa ifradu Allah bil ibada ». Donc ça, c'est très très très important là, ce que l'on voit là, ces notions là. La chose la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné est le tawhid. وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. La chose la plus importante qu'Allah a ordonné, التوحيد, c'est le tawhid. Ensuite, il va définir le tawhid en disant وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَ. Donc ici, observez bien, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التوحيد. Et la chose la plus importante qu'Allah a ordonné est le tawhid. Donc l'expression du Cheikh montre que les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreux. Ça, c'est la première chose. Car elle a dit, l'ordre le plus important est le tawhid. Donc les ordres sont nombreux. Et il a dit, parmi ces ordres-là, ce qui est le plus important est le tawhid. Et ensuite, il va dire, il va définir le shirk, il va dire que c'est l'invocation avec Allah d'autrui. Et il va dire que c'est la chose la plus importante qu'Allah a interdite. Donc aussi les interdits sont un ensemble. Sont un ensemble. Donc ça montre que lorsque tout à l'heure il a dit « Ya'boudoun », ça veut dire « Yuwahidoun », il ne voulait pas viser la synonymie. Que « Yuwahidoun » c'est synonyme de « Ya'boudoun ». Non, ça montre qu'il avait fait le tafsir par une unité de la généralité. Car ensuite il a dit ici « Wa a'zamu ma amara Allahu bihi ». Et la chose la plus importante qu'Allah a ordonnée, c'est le tawhid. Et la ibadah, c'est quoi? Faire ce que Allah a ordonné et délaisser ce que Allah a interdit. Et ici, il dit ce que Allah, parmi les choses qu'Allah a ordonné, la plus importante, c'est le tawhid. Ça, c'est une partie de la ibadah. Et parmi les choses qu'Allah a interdit, la pire, c'est le shirk. Le délaissement des interdits aussi, c'est la ibadah. Donc, le shirk définit bien la ibadah, donc, par l'humiliation devant Allah subhanahu wa ta'ala en lui obéissant, en faisant ce que Allah a ordonné, délaissant ce qu'il interdit. Ça montre que le tawhid, tout à l'heure, ce n'était pas synonyme de ya'boudoun, mais c'était une unité composante du tawhid. وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيد. Et aussi, on prend de cette expression que les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas tous du même niveau. Se passer le siwak, ce n'est pas le niveau du tawhid. Donc il y a des choses qui sont recommandées, il y a des choses qui sont obligatoires, et dans l'obligatoire aussi, il y a donc des niveaux différents. Il y a de l'obligatoire, s'il est délaissé, hein, il n'annule pas l'islam. Se raser la barbe, ça n'annule pas l'islam. Ne pas mettre le hijab, ça n'annule pas l'islam. Mais délaisser le tawhid, ne pas faire le tawhid, ça annule l'islam. Donc, أَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدِ. Donc, qu'est-ce que التَّوْحِيدِ, mes chers frères? Donc, التَّوْحِيد, on l'avait déjà expliqué dans des cours précédents, c'est un masdar. C'est un masdar. On a dit que, donc, التَّوْحِيد, comme dit Cheikh Al-Uthaymin ici, il dit التَّوْحِيد لُغَةً masdar. Donc, dans la langue, c'est un masdar. Donc, c'est l'acte fait par le sujet. Sujet, verbe, complément. Mohammed unicise Allah. Mohammed, c'est le sujet. Unicise, c'est le verbe. Allah, c'est le COD. Qu'est-ce qu'il a fait, Mohammed? Si je te dis par un mot de me dire qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait unicité? Non, unicisation. Il a fait l'unicisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la qualité donc d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-wihda. Ça, c'est l'unicité. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Azza wa jal. Ça, c'est une qualité qui est donc attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala avant que toi tu fasses le tawhid. Avant que toi tu fasses le tawhid. Donc le tawhid, c'est l'acte que fait la personne. C'est le fait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala le statut d'unique. Le statut d'unique. C'est un acte du cœur. C'est un acte du cœur. Car c'est le cœur qui accepte l'associationnisme. Mais l'association dans l'extérieur, hein, c'est-à-dire l'existence de plusieurs divinités dignes d'être adorées, elle n'est pas existante. Car la ilaha illallah, la ilaha illallah, on a dit c'est fondé sur deux piliers. Al-nafyu, l'affirmation, wal-ithbat illallah. La ilaha, est-ce que c'est le rejet de l'existence des divinités? Non, les divinités existent. Le soleil est une divinité. La lune est une divinité pour ceux qui l'adorent. Allah les a appelés « Aliha » dans le Coran. « Aja'al al-alihata ilahan wahida. A-t-il donc fait de toutes ces divinités un seul Dieu? Donc les divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala existent, sont présentes physiquement, matériellement. La ilaha, c'est le rejet de al-istihqaq, donc du mérite de l'adoration. La ilaha, c'est-à-dire pas de divinité. Et là, il faut un complément en arabe. La ilaha, donc il y en a, ils disent mawjoud, faux. Pas de divinité présente, faux. Il y en a d'autres présentes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha ma'boud bihaq. Pas de divinité adorée par, c'est-à-dire pas de divinité adorée de manière véridique, de manière authentique. Donc il n'y a pas de divinité méritant l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, tu le fais avec quoi? Avec ton cœur. Parce que c'est le cœur qui accepte que une autre divinité mérite l'adoration. Ça, c'est quelque... attribuer le mérite d'être adoré à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, tu le fais dans ton cœur. Ce n'est pas une qualité qu'il a, qu'elle a cette divinité-là, dans le monde physique qui t'entoure. Elle n'a pas cette qualité, cette divinité-là. C'est important, les Ash'ari et tout, ils s'égarent là-dedans, juste dans le tafsir de la ilaha illallah. Donc c'est avec le cœur qu'on rejette donc là, le droit d'être adoré à toute divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, at-tawhid, c'est un acte du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala a la qualité de wahda avant que tu fasses le tawhid. Avant que tu fasses le tawhid. Comme at-tafsir, ça aussi c'est un masdar, pris du fisq. Le fisq, la perversité, c'est une qualité qui est dans la personne. Toi, lorsque tu fais son tafsir, tu le transformes en fasiq. Tu ne transformes pas en fasiq. Tu lui attribues dans ton cœur. Le tekfir, pareil. Tu ne le transformes pas en mécréant. Tu ne vas pas te transformer en mécréant. Son kufr, il a eu lieu avant cet acte du cœur. Le tebdi, c'est pareil. Tu lui attribues le statut. Donc, c'est le masdar lié à la bid'a. Tebdi, c'est le masdar lié à la bid'a. Tafsir, c'est le masdar lié au fisq. Tekfir, c'est le masdar lié au kufr. Le kufr, c'est la qualité. Le tekfir, c'est le masdar. C'est l'acte du cœur de statuer du kufr de la personne. Le fisq, c'est la qualité de la perversité. Le tafsir, c'est le masdar qui est donc là, l'acte de statuer du fisq de la personne. Le tebdi', la bid'a, c'est la qualité. C'est l'état. Le tebdi', c'est l'acte de statuer que la personne est un innovateur. Donc, at-tawhid, al-wihda, c'est la qualité. At-tawhid, c'est le masdar, qui est le fait de statuer de l'unicité. De l'unicité. Dans la langue arabe, c'est ça déjà. At-tawhid, c'est al-ifrad. Al-ifrad, c'est l'isolation. L'isolation. Pas dans le sens isolation comme les maisons, là. Non. Isolation dans le sens d'isoler. Isoler la chose d'un groupe. Dans le sens d'isoler. Donc, el-ifrad, ça c'est dans la langue arabe. Et el-ifrad, dans la langue arabe, il ne peut avoir lieu que s'il y a infirmation, puis confirmation. Zaydun qa'imun. Zayd est debout. Ici, il n'y a pas ifrad. Il n'y a pas isolation de Zayd par le statut d'être debout. Zayd est debout. Mohamed est debout. Je peux rajouter ça. Je peux dire Zaydun qa'imun. Me taire, prédire wa Muhammadun qa'imun, et Muhammad est debout. Mais si je fais affirmation, confirmation, la qa'ima illa Zaydun, ma qa'ma illa Zaydun, personne n'est debout sauf Zayd. Je peux venir après dire et Muhammad est debout? Non, ce n'est pas possible. Car ici, il y a eu hasr, exhaustivité, exclusivité. Donc il y a eu tawhid, il y a eu ifrad, isolation de Zayd. Par le statut d'être debout. Le tawhid, donc dans le char, il a un sens général et un sens spécifique. Le sens général, c'est ifradullah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est al-ifrad, vous comprenez quand je traduis par isolation. Donc ifradullah, Ifradullah, donc c'est attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala l'unicité, bima yahtassu bihi, de ce par quoi il est spécifique. Minar rububiya, en termes de seigneurie, wa uluhiya, de divinité, wa asma'i wa sifat, et en termes de nom et d'attributs. Donc ça, c'est dans le sens général, et ça réunit donc les trois domaines du tawhid. Après, il y a le tawhid qu'on va définir. Chaque domaine, on va le définir par son sens spécifique. Tawhid al-Rububiya, le tawhid de la seigneurie. Donc c'est ifradullah, toujours l'ifrad. Le tawhid dans le shar', il est en lien avec le sens linguistique. Ça, c'est important. Tawhid al-Rububiya, c'est ifradullah fi rububiyati. Statué de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans sa rububiya, c'est-à-dire dans le khalq, dans la création, dans le mulk, la royauté, la possession, at-tadbir, aussi dans la gestion, et les autres actes en lien avec donc sa seigneurie. Tawhid al-uluhiya, c'est ifradullah. Donc, al-ifrad, vous avez compris, il faut deux piliers pour répondre à l'ifrad. L'isolation, il faut aussi ces deux piliers-là. Infirmé, confirmé. Donc c'est ifradullah, l'ifrad d'Allah subhanahu wa ta'ala bil'ibada, par donc notre adoration, quelle qu'elle soit. Et le troisième domaine du tawhid, c'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est donc ifradullah, statué de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de par les noms qu'il s'est attribués et les qualités qu'il s'est attribué dans son livre et par la langue de son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en confirmant ce qu'il a confirmé, en rejetant ce qu'il a rejeté. Je répète, c'est important, même si notre dars ne tourne pas autour de Esma wa Sifat, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas le domaine à aborder qu'il ne faut pas le prendre au sérieux. En confirmant ce qu'il a confirmé, Allah subhanahu wa ta'ala, et en rejetant ce qu'il a rejeté. Min ghayri tahrif, sans falsification, wa la ta'til, sans rejet, wa min ghayri takyif, sans chercher le comment, wa la tamthil, et sans représentation, ressemblance à une créature. Donc le tawhid dans l'oral arabia, c'est quoi dans la langue arabe? Al-ifrad, l'isolation, qui ne peut avoir lieu que s'il y a les deux piliers qui sont l'infirmation et la confirmation. Dans la langue arabe, ça, c'est cette définition-là. Dans le char, le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est divisé en trois domaines. Tawhid de la seigneurie, tawhid de la divinité, tawhid des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La majorité des savants donnent donc cette décomposition-là. Cette décomposition, est-ce que c'est un moustalah? Est-ce que les savants se sont réunis et se sont mis d'accord là-dessus par choix? Ils ont délibéré et ensuite ils ont choisi ces trois domaines-là? Ou bien est-ce que c'est shar'i, législatif, et on n'a pas le droit de rajouter un autre domaine? La réponse, c'est que c'est shar'i. Bit-tatabu' wal-istiqra. Donc par le suivi, la lecture analytique, la lecture du Coran et de la Sunna, le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sort jamais de ces trois domaines. Soit le tawhid est en lien avec la seigneurie, soit le tawhid est en lien avec la divinité, soit le tawhid est en lien avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rajouter un domaine, c'est une bid'a. Rajouter un domaine, c'est une bid'a. Extraire un domaine appartenant à un de ces trois domaines pour combattre une forme de shirk donc existant à l'époque, ça c'est permis. Mais le maître statué du fait que c'est un domaine, un quatrième, cinquième, sixième domaine, ça c'est une innovation. Par exemple, مثلاً écrire dans tawhid al-du'a, le tawhid de l'invocation. Le tawhid de l'invocation. Si un savant est présent, un talib al-ilm, un prêcheur, dans une ambiance où il y a beaucoup shirk al-du'a, shirk de la du'a, Eh bien, il peut, à travers ses prêches, parler donc de tawhid ad-du'a, de l'unicisation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les invocations. Mais est-ce que c'est un domaine tiré de tawhid al-uluhiyya ou bien un quatrième domaine? C'est ça que l'on regarde. Si c'est un quatrième domaine, c'est une innovation. Si simplement c'est l'extraction d'une unité de la tawhid, du tawhid uluhiyya momentané pour, inshallah, venir guérir ce domaine-là, hein, qui connaît du shirk à son époque, bien dans son espace, sa ville, son pays, il est permis. Mais en faire un autre bloc, un autre domaine, c'est une bid'a. Pareil, tawhid al-hakimiyya, tawhid de la gouvernance. C'est une bid'a d'en faire un domaine indépendant. Il n'y a pas de tawhid al-hakimiyya comme ça, de manière indépendante. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a un grand shirk au niveau de la gouvernance, il n'y a pas de doute à ce niveau-là, les gens légifèrent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne tiennent pas compte des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sont pas tenus. On ne débat pas aujourd'hui dans les parlements, dans les assemblées législatives sur le fait d'appliquer ou non les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui lève la main et dit on coupe la main du voleur, on rigole de lui et on le met dehors. Donc il y a du shirk et du kufr, sarah, bawah à ce niveau-là. Donc certains savants ont parler de tawhid al-hakimiyya dans notre époque, pas dans le sens où c'est un domaine indépendant, mais dans le sens où c'est simplement pour combattre cette forme de shirk. Donc tawhid al-hakimiyya, il rentre dans tawhid al-asma'i wa sifat, il rentre donc dans les trois domaines. Car Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, al-hakam, donc c'est lui qui édicte les lois, le gouverneur, et ça entre aussi dans rububiyya, car l'univers lui appartient et c'est lui donc qui doit dicter les lois selon lesquelles doivent vivre les humains. Et aussi ça rentre dans l'ibada. Ça rentre dans l'ibada. Appliquer les lois, ça rentre dans l'ibada. Mettre en place des lois, ça rentre dans l'ibada. Donc soit c'est du tawhid, soit c'est du shirk. Donc on a dit, ces trois domaines-là, ils sont tawqifi. Ils sont déterminés par le Coran et la Sunna, c'est interdit d'en ajouter. Maintenant, Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, Ibn al-Qayyim, son élève, il divise le tawhid en deux catégories. Donc, est-ce que c'est une divergence de forme ou une divergence donc de fond du contenu? Parce qu'il y en a qui veulent rajouter des formes de tawhid. Quand tu dis c'est tawqifi, Cheikh Ibn Taymiyyah, il a Ibn al-Qayyim, ils ont divisé en deux. Vous divisez en trois. Donc voilà, il y a divergence. Et ça, tu trouves ce jeu-là, avec le khilaf, dans beaucoup de domaines. Tu le trouves aussi dans l'aqidah. Tu le trouves dans l'aqidah. Il y a des gens, ils veulent faire pénétrer la divergence dans des ramifications de l'aqidah, dans des juz'iyettes, dans des petites unités, et ils veulent généraliser cette divergence au fondement. Quand tu vas dire les Ash'ari, c'est des Mubtadi', ils ne font pas partie de Ahl Sunnah, les Maturidi aussi. Ils vont te dire, mes Sahaba, ils ont divergé dans l'Aqidah, sur la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas, il dit que Aisha radiallahu anha dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu lors de l'ascension nocturne son Seigneur. D'autres disent que si, comme Abdullah ibn Mas'ud. Donc ils vont te dire, regarde, les sahaba, ils ont divergé là-dedans. Ils ont divergé aussi sur le fait, est-ce que les morts entendent la voix des vivants? Omar disait que oui. Aïcha disait que non. Radiallahu anhum ajma'i. Ils disent, regarde, ils ont divergé dans l'aqidah. Pourquoi est-ce que tu statues de l'innovation de quelqu'un donc qui est en divergence avec toi dans l'aqidah? Ça, c'est partie des fondements des rassembleurs. Ils n'ont pas de critères différenciateurs. Parce qu'ils n'ont jamais de mubtadi'. Il y a des gens, tu les interroges, tu dis, c'est qui les mubtadi' autour de toi? C'est qui les innovateurs? Il n'a pas de réponse. Parce qu'il n'a pas de critères différenciateurs. Il ne sait pas c'est quand qu'il y a sunna, qu'il y a bid'a, etc. Et ça aussi, c'est une innovation de vouloir généraliser ça. Donc cette divergence qui a lieu dans des petites unités où elle est acceptable, vu l'interprétation des textes, qui est possible, avec une divergence où l'interprétation des textes n'est pas possible. Le tawhid, c'est pareil. Cheikh Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, eux, ils ont divisé le tawhid en deux parties. Tawhid al-ma'rifati wal-ithbat. le tawhid de la connaissance et de la confirmation. Ça, c'est le premier domaine. Le tawhid al-qasdi wa talab, le tawhid de la visée, donc, et de la demande. Le premier, aussi, on l'appelle al-tawhid al-ilmi, le tawhid scientifique. Le deuxième, al-tawhid al-amali, le tawhid de la pratique. On avait expliqué que les textes du Coran et de la Sunna sont divisés en deux catégories. Al-insha'u wa al-khabar. Al-insha', c'est donc l'impératif, nous on le traduit en français. Al-khabar, le déclaratif. Ô vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est dans l'insha' ou dans le khabar? Dans l'insha'. Ça c'est un impératif. C'est un impératif. L'impératif, donc sa spécificité, c'est que il donne naissance soit à l'obéissance, soit à la désobéissance. Al-khabar, l'informatif, le khabar dans l'informatif, dans ses 8 formes qu'il comporte dans la langue arabe, c'est toujours du passé. C'est toujours du passé. Et donc, il est soit rendu véridique, musaddaq. Donc, qu'est-ce qu'a faire l'individu? Soit tasdiq, il va rendre véridique l'information, soit takdhib, donc il va démentir l'information. Et dans le Coran et la Sunna, concernant le tawhid, on a ces deux domaines-là. Dans le Coran et la Sunna. La parole d'Allah, Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa. Le tout miséricordieux, il s'est établi sur le trône. Ça c'est insha ou khabar? Khabar. Soit tu acceptes, tusbit, soit tu rejettes. Soit tu acceptes, soit tu rejettes. Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa. Par rapport aux trois catégories. Aux trois catégories. Ça rentre dans Tawhid al-Rububiya, al-Uluhiya ou bien al-Asma'i wa al-Sifat. Tawhid al-Asma'i wa al-Sifat. Par rapport aux deux catégories de Sheikh ibn al-Qayyim ibn Taymiyyah rahmatullah alayhima, ça rentre dans Tawhid al-Ma'arifati wa al-Ithbat. Dans le Tawhid de la connaissance et de la confirmation. Tawhid khabari, Tawhid ilmi, Tawhid informatif, Tawhid scientifique. C'est l'ensemble des textes en lien avec les informations. Donc, deux catégories vont entrer là-dedans. Tawhid al-Rububiya et Tawhid al-Asma'i wa al-Sifat par rapport aux trois catégories que nous avons expliquées tout à l'heure. Par rapport aux trois catégories connues, dans Tawhid al-Ma'rifati wa al-Ithbat, il y a Tawhid al-Asma'i wa al-Sifat et il y a Tawhid al-Rububiya. Parce que la seigneurie, le Tawhid de la seigneurie, c'est l'attribution à Allah subhanahu wa ta'ala de certaines. C'est le Tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes à lui. Dans ses actes à lui. Ces actes, tu les trouves où? Dans le Coran et la Sunna. Donc tu confirmes ou tu infirmes. Tawhid al-Asma'i wa al-Sifat, c'est pareil, tu confirmes ou tu infirmes. Tawhid al-Uluhiyya, le Tawhid de la divinité. Ou bien Tawhid al-Ibada. Tawhid al-Uluhiyya, si l'on prend en compte Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid de la divinité. Si on prend en compte le serviteur, on dit Tawhid al-Ibada, le Tawhid de l'adoration. On n'est pas tawhid de l'adoration si on prend en compte Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'adore pas. C'est lui l'adoré. Donc si on prend en compte l'individu, on dit tawhid al-ibada. Si on prend en compte Allah, on dit tawhid al-uluhiyya. Parfois, vous trouvez, le tawhid se divise en trois catégories. Tawhid al-rububiyya, ça ne change pas. Tawhid de la seigneurie. La deuxième catégorie, tawhid. Soit parfois vous lisez al-ibada, soit Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya, quand on prend en compte Allah, subhanahu wa ta'ala. Tawhid al-Ibadah, quand on prend en compte l'individu. Et Tawhid, troisième catégorie, Tawhid al-Asma'i wa al-Sifat. Le Tawhid, dans la division de Sheikh ibn Taymiyyah ibn al-Qayyim, on a dit Tawhid al-Ma'rifati wa al-Ithbat. Le Tawhid de la connaissance, de la confirmation, par rapport à au déclaratif. Ici, on fait pénétrer deux catégories des trois là que l'on connaît, qui sont généralisées. Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Asma wa al-Sifat. Dans Tawhid al-Qasd wa al-Talab, Tawhid de la visée, de la demande, ça c'est le Tawhid al-Amali, le Tawhid de la pratique. Ça, c'est l'équivalent de tawhid al-uluhiyya. Tawhid al-uluhiyya ou bien tawhid al-ibada. Parce que c'est le tawhid par rapport à ce qui vient en termes de texte. Incha, pas khabar. En termes de texte impératif. Faites ou ne faites pas. Donc là, soit tu pratiques, soit tu ne pratiques pas. Donc dans la forme, les deux tawhid sont, les deux catégorisations, pardon, de tawhid sont différentes. Mais dans le fond et le contenu, ils sont les mêmes. Et pourquoi est-ce qu'ils ont pris ces deux, cette forme-là, donc Cheikh Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, parce que ça répond à la catégorie donc des textes en langue arabe, à la catégorie des discours, pardon. Al-insha wa al-khabar. Et ça, on le trouve aussi dans la vie du prophète alayhi salatu wa sallam, prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lisez le matin dans ces deux rak'a du fajr, sunnah avant le subh. Il lisait qul ya ayyuhal kafirun. Et aussi qul huwallahu ahad. Et aussi dans ces deux rak'a après salat al-maghrib, Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma rapporte que de nombreux jours, le prophète alayhi salatu wa sallam lisait dans les deux rak'a après salat al-maghrib, dans cette ratiba, il disait قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ et قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحْدُ. Et aussi dans le witr, lorsqu'il faisait le witr en trois rak'at, le prophète alayhi salatu wassalam, dans la deuxième rak'at, lisait قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ et dans la troisième, il lisait قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحْدُ. Car la surat قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ c'est tawhid al-qasdi wa talab. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحْدُ tawhid al-ma'rifati wa al-ithbat. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ dit ô les mécréants, لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ je n'adore pas ce que vous adorez. توحيد القصد والطلب. Par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de faire, je fais ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de faire. Et vous, vous ne faites pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de faire. Donc c'est un désaveu de l'adoration des kuffars, c'est un tawhid nefio. Donc il rejette l'adoration des mécréants et confirme que son adoration est pour Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ je n'adore pas ce que vous adorez. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ et vous n'adorez pas ce que j'adore. وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدْتُمْ je n'adore pas ce que vous adorez, même s'il y a des subtilités profondes dans la langue arabe qu'on trouve dans Miftah Dar Sa'adat ibn al-Qayyim. Ça nous prendrait du temps d'expliquer ça. Pourquoi parfois c'est abidoun et parfois c'est a'bud? Pourquoi parfois c'est le verbe et parfois c'est le nom? Il y a des nuances là-dedans. Wala antum abidoun ma a'bud. Et vous n'adorez pas ce que j'adore. Si on veut être précis, et vous n'êtes pas adorateur de ce que moi j'adore. Il a amené le nom là, il a le verbe. Lakum dinukum. Vous avez votre religion. Waliyadin. Et j'ai ma religion. Tawhid al-qasdi wa talab. J'adore Allah. Et vous n'adorez pas Allah. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ dit Allah est unique. Allahu samad, Allah est le samad, celui envers qui, de qui tout le monde a besoin pour combler ses besoins. لَمْ يَلِدْ il n'a pas enfanté. وَلَمْ يُولَدْ et il n'a pas été enfanté. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ et il n'a pas d'équivalent. Tawhid al-ma'rifati wal-ithbat. C'est le tawhid, la connaissance de la confirmation. Donc ici, par rapport aux trois catégories, par rapport aux trois catégories là. On a combien de catégories dans la surat al-Ikhlas? Naam, tawhid al-Rububiyya et tawhid al-Asma'i wa-Sifat. Et dans Qul ya ayyuhal kafirun, tawhid al-Ibada, tawhid al-Uluhiyya. Qul ya ayyuhal kafirun, c'est une des catégories du tawhid, hein, selon le partage d'Ibn al-Qayyim et d'Ibn Taymiyyah, et c'est aussi une catégorie selon le partage en trois. Et al-Ikhlas, c'est une catégorie selon le partage d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim, et c'est deux catégories, al-Rububiyya al-Asma wa al-Sifat, selon le partage en trois. Donc la da'wa selon laquelle on peut faire autant de parties que l'on veut dans le tawhid, et batila, elle est fausse et annulée, car on a montré que le tawhid est tawqifi, donc il est cerné par les délits, les preuves du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous revenons à la parole du Cheikh. وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدِ et la chose la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné est le tawhid. وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ donc c'est ifrad, isolation, unicisation d'Allah subhanahu wa ta'ala بِالْعِبَادَةِ par l'adoration. Et là, de même, le shir, il a défini donc le tawhid par une unité composante celui-là. Ifradullah bil ibada. Ifradullah bil ibada. C'est les trois catégories, ça? C'est les trois catégories du tawhid? Non, ça c'est tawhid al-ibada, c'est tawhid al-uluhiya. C'est tawhid al-ibada, tawhid al-uluhiya. Donc c'est une unité composante, les trois autres. Pourquoi est-ce qu'il a cité celle-là? Parce que c'est là qu'a lieu donc le conflit entre les prophètes et les peuples. C'est à ce niveau-là. Et aussi, c'est dans ce domaine-là donc que le shirk, de manière générale, pénètre. Et notamment à l'époque du shirk, le shirk avait lieu beaucoup au niveau de la ibada, notamment les quburiyoun, les adorateurs des tombes, donc voués un culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je rappelle ce qui est important, al-ifrad, il faut qu'il réponde. Al-ifrad, al-tawhid, il faut qu'il réponde dans la langue arabe, et donc dans le shar', dans la législation, de manière encore plus prioritaire, à deux piliers. Lesquels? Al-nafyu wal-ithbat. Al-ash'a'ira, aussi, ils ont une définition fausse de la ilaha illallah. Ils définissent la ilaha illallah comme étant la khaliqa illallah. La majorité des livres ash'ari ont la définition de la ilaha illallah comme étant la khaliqa illallah, pas de créateur en dehors d'Allah. Nous avons dit que pour pouvoir vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut connaître d'abord l'adoration, puis ensuite tu peux être sincère. Et on avait dit que le shirk, dans le début de notre explication, nous avons bien dit que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avait dit « I'alam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail ». D'abord l'apprentissage des notions, puis « al-amalu ». Ensuite la pratique. Pourquoi la science avant la pratique? Si tu ne connais pas les définitions de manière précise, ensuite tu ouvres des portes à l'égarement. Les Ash'ari, de manière majoritaire, écrasante, et la minorité définissant comme Ahl Sunnah, ne remet pas en cause leur madhab, définissent la ilaha illallah par la khaliqa illallah, pas de créateur en dehors d'Allah. Les soufis, la majorité des soufis, c'est ça, la définition qu'ils ont de la ilaha illallah, la khaliqa illallah, pas de créateur en dehors d'Allah. Et ça, c'est simplement tawhid al-rububiyya. Tawhid al-rububiyya. Il n'y a pas ici de tawhid, donc al-uluhiyya. Nous avions dit que le shirk, c'est le contraire du tawhid. Le shirk, il pénètre les trois domaines. Il y a du shirk dans la rububiyya, dans la seigneurie. Il y a du shirk dans la uluhiyya. Il y a du shirk dans al-asma'i wa sifat. Si nous définissons le tawhid, donc la ilaha illallah, de manière complète, simplement par la khaliqa illallah, c'est-à-dire que le shirk ne va pénétrer que lorsqu'il va y avoir défaillance à ce niveau-là, au niveau de la rububiyya. C'est pour ça que les quburiyoun, ils égorgent pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se prosternent devant leur shirk, les soufis. Les soufis, ils font le sujoud devant leur shirk, ils lui embrassent les pieds. Tu lui dis kafar tabillah, il te dit non. Te dis moi, je ne lui attribue pas de qualité divine. Je ne lui attribue pas de qualité divine. Nous, on verra, le sujoud, c'est une adoration. Le ruku', c'est une adoration. Si elle est attribuée à autre qu'Allah, une fois que l'acte est adoration et ne peut être qu'adoration. Il existait en tant qu'adoration et en tant que non-adoration dans les autres époques. Le sujoud, sujoud al-tikrim, le sujoud du salut, comme le sujoud des frères à Youssouf pour Youssouf alayhi salam, le sujoud des anges devant... Je ne dis pas pour Youssouf, je reprends mon expression. Le sujoud des frères, le sujoud des frères de Youssouf, alayhi salam, devant, pas pour, devant Youssouf, alayhi salam. Le sujoud des anges devant Adam, alayhi salam. Ce sujoud-là, est-ce que c'était une adoration? Non. Donc avant, le sujoud avait la notion d'adoration et de non-adoration. Maintenant, c'est une adoration, mutlaqan, de manière absolue. Sarfou li ghayrillah shirkun akbar. Vouer du sujoud à autre qu'Allah, c'est du shirk akbar. Le soufi, quand il va se prosterner devant les pieds de son shirk, tu lui dis hada shirkun akbar. Te dire non, je ne lui ai pas attribué donc de rububiyya. Je ne lui ai pas attribué de qualité en lien avec la Seigneurie. Car la fausse définition de la ilaha illallah a engendré une fausse définition donc du shirk. Al-Iman, c'est pareil. Les Murji'a, pourquoi est-ce qu'ils se trompent dans le takfir? Pourquoi ils se trompent dans le takfir? Le takfir, pour eux, c'est qu'à l'intérieur. Parce que l'acte ne fait pas partie de la composition du Iman chez eux. Donc le hukm, le statut, il est faux parce que le ism, parce que la définition est fausse. Pareil, le soufi, son hukm sur le sujoud, son statut du sujoud pour autre qu'Allah est faux parce que sa définition du tawhid est fausse. Donc al-ifrad, il doit répondre à deux piliers. Le ifrad, obligatoirement, il doit répondre à deux piliers, affirmation, confirmation. On continue. وَأَعْذَبُ مَا نَهَا عَنْهُ شِرْكِ. Et la chose la plus importante qu'il a interdit est le shirk. Et le shirk. Donc ça montre aussi que les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont divers et nombreux. Et ils ne sont pas du même niveau. Le shirk n'est pas du même niveau que désobéir aux parents. Désobéir aux parents n'est pas du même niveau que manger de la main gauche. Donc les interdits ne sont pas du même niveau. Certains interdits diminuent la foi. D'autres interdits éteignent la foi. D'autres interdits ni ne diminuent la foi, et ni le makruh par exemple, ni ne diminuent la foi, et ni donc ne l'annulent. Donc al-shirk, sa définition, le shirk, dans la langue arabe, c'est pris de donc al-sharika, qui est l'association. On avait dit al-shirk, c'est pris de l'association, et il y a dedans la notion de nasib, de part. On l'avait vu, ça vous reviendrait dans les dorus précédents, la notion de part, par P-A-R-T. Ja'ala Zaydun Amran Sharikan fi malihi. Bien, ashraka Zaydun Amran fi malihi. Zayd a associé Amr dans son argent, c'est-à-dire qu'il lui a donné une part, il lui a attribué une part. Ça, c'est dans la langue arabe. Et on avait vu dans le shar' qui est le shirk, donc, c'est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un équivalent dans sa rububiya, sa seigneurie, ou bien dans la divinité, ou bien dans al-asma'i wa sifat. Et effectivement, c'est la chose la plus importante, le tawhid, et la chose interdite, la pire, est le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Celui qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala a certes donc fait un péché immense. Sourate An-Nisa, verset 48. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Et celui qui associe à Allah s'est certes égaré un égarement très lointain. Sourate An-Nisa, verset 116. Allah azza wa jalla dit aussi: innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Celui qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui a interdit le paradis, et son point de retour sera le feu, et les injustes n'ont pas d'assistance. Surat Al-Ma'ida, verset 72. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, et il pardonne à qui il veut, il pardonne autre que ceci à qui il veut. Surat An-Nisa, verset 48. Le prophète alayhi salatu wa salam a été aussi questionné: ayyu dhanbi a'dam, quel est le pire des péchés? Il a répondu: an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak, que tu donnes à Allah un équivalent alors que c'est lui qui t'a créé. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, est-ce que vous ne voulez pas que je vous informe des plus grands péchés? Le premier, il a dit al-ishraku billah. Al-ishraku billah. Donc al-ishraku billah dans shar'a. Al-ishraku billah dans shar'a. La meilleure définition est la définition donnée par le prophète alayhi salatu wa sallam. Dans l'autre hadith, lorsqu'on lui a dit: quel est le pire des péchés? Et il a dit: an taj'ala lillahi niddan. Donc le shirk, c'est at-tandid. C'est le fait d'attribuer un équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala, de manière générale. Puis ensuite, tu détailles par rapport aux trois catégories de tawhid qui sont données un équivalent à Allah dans la seigneurie, ou bien la divinité, ou bien les noms et les attributs. Donc on n'a pas besoin de la définition d'un savant, vu que le prophète Mohammed nous a donné une définition qui est at-tendid. Donc, mutlaq at-tendid, le tendid, donner un équivalent de manière absolue. Ça entre dans le shirk. Que ce soit le petit ou le grand shirk. Que ce soit le petit shirk, c'est donner un équivalent aussi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça entre dans le tendid. Après, est-ce que c'est donner un équivalent comme dans le grand shirk? Non. Non. On va le voir en définissant le petit shirk. Et le grand shirk aussi, c'est donner un équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre hadith montrant l'importance du tawhid et le délaissement du shirk selon Jabir radiyallahu anhu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-jannah. Celui qui rencontre Allah n'associant rien à lui entrera au paradis. Wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a dakhala an-nar. Et celui qui le rencontre tout en lui associant quelque chose, dakhala an-nar, il entrera en enfer. Le hadith est rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi: Man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhala an-nar. Hadith est rapporté par Al-Bukhari rahmatullahi alayhi. Celui qui meurt tout en invoquant en dehors d'Allah un équivalent entrera en enfer. Entrera en enfer. Donc le shirk, ayyuha al-ikhwa, c'est le pire des péchés. Et il est donc le contraire du tawhid. Il est aussi donc dans trois domaines: dans le domaine de la seigneurie, dans le domaine de la divinité, ou bien si tu veux, de l'adoration, et dans le domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est concernant donc sa composition. Et il se divise aussi, d'un autre point de vue, en deux catégories. Al-shirk al-akbar, le grand shirk, et al-shirk al-asghar, le petit shirk. Qu'est-ce que al-shirk al-akbar? Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah dit: wa huwa kullu shirkin atlaqahu ash-shari'u wa kana mutadamminan li khuruj al-insan min dinihi. Ash-shirk al-akbar wa huwa kullu shirkin atlaqahu ash-shari'u wa kana mutadamminan li khuruj al-insan 'an dinihi. Donc le grand shirk, c'est tout shirk qui a été cité donc par le législateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ismul fa'ila, c'est le nom d'acteur quand on dit le législateur. C'est pas un ism dans le sens alam, nom propre. On dit pas Allah c'est le législateur, dans le sens où c'est un nom. Un nom propre, un de ses esma, un de ses noms. Non. Wa kana mutadammina li khuruj al-insani 'an dinihi. Donc le grand shirk, c'est tout shirk que le législateur donc a nommé comme ça sans définir, sans dire qu'il est petit. Et qui comporte en lui-même donc le fait que la personne qui le fait sort de la religion. Donc ash-shirku, le shirk dans le Coran et la Sunna, la base, c'est que c'est le grand shirk et non pas le petit, comme veulent introduire cette innovation certains dans la aqida des musulmans. La base dans le shirk, la base dans cette haqiqa shar'iyya, c'est que c'est le grand shirk. Les sahaba radiyallahu anhum, lorsqu'ils entendent ash-shirku, ashraka, yushriku, toutes ces expressions renvoyant à l'associationnisme, pour eux, c'est du grand shirk et non pas du petit. Il faut ensuite, donc une qarina, il faut un texte, soit d'Allah ou du prophète, alayhi salatu wa salam, montrant que ce shirk-là n'est pas un grand shirk, mais un petit. La deuxième catégorie, c'est ash-shirk al-asghar. Wa huwa kullu 'amalin qawli aw fi'li. C'est toute action. Wa huwa kullu 'amalin qawli aw fi'li atlaqa 'alayhi ash-shar'u wasf ash-shirk walakinahu la yukhriju 'anil millah. Wa huwa kullu 'amalin qawli aw fi'li atlaqa 'alayhi ash-shar'u wasf ash-shirk walakinahu la yukhriju 'anil millah. Donc le petit shirk, c'est toute action en termes de parole ou bien d'acte des membres que donc la législation a qualifié comme étant du shirk, mais qui ne fait pas sortir de la religion. Mais qui ne fait pas sortir de la religion. Donc, un shirk, il y a le grand shirk, il y a le petit shirk. Et il y a des différences donc entre ces deux catégories. Parmi les différences entre ces deux catégories, c'est que le grand shirk annule l'islam de la personne, alors que le petit shirk n'annule pas l'islam de la personne. Celui qui fait du grand shirk, son islam est annulé. Deuxième différence, c'est que le grand shirk annule toutes les œuvres de la personne, alors que le petit shirk annule l'œuvre comportant ce petit shirk. Une autre différence, c'est que celui qui fait le grand shirk s'éternisera en enfer, alors que celui qui fait le petit shirk, il y a divergence, il y a consensus chez Ahl Sunnah qu'il ne s'éternisera pas en enfer. Car il n'est pas sorti de l'islam par son petit shirk. Il est toujours musulman. Mais il y a divergence sur le fait si la personne meurt en ayant fait du petit shirk et n'a pas fait tawbah de ce petit shirk. Est-ce qu'il va obligatoirement en enfer ou bien il est sous la mashi'a? Ou bien est-ce qu'il est sous la volonté divine yawm al-qiyam? Donc certains disent qu'il va tout de suite en enfer et qu'Allah ne lui pardonne pas. Donc le shirk est qu'il doit aller brûler en enfer pour se faire pardonner, racheter, donc de ce péché-là. Pour se faire pardonner ce péché-là, il doit obligatoirement aller en enfer. Et ils prennent comme dalil la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih » Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas spécifié qu'on lui associe donc du grand shirk ou du petit shirk. Donc le petit shirk à la base rentre ici selon la langue arabe dans le verset. Inna Allah la yaghfiru. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Le sens du verset c'est Inna Allah la yaghfiru ishraken bihi. Allah ne pardonne pas l'associationnisme à lui. À la base c'est un verbe qu'on lui associe. Allah ne pardonne pas l'associationnisme. Donc cet associationnisme, il est absolu. Et on a dit que le petit shirk, c'est de l'associationnisme. C'est de l'associationnisme. Donc linguistiquement, le petit shirk entre dans ce verset-là, il n'est donc pas pardonné. Donc les savants ont dit que la personne qui meurt en ayant toujours dans sa dhimma, donc sur sa personne du petit shirk, ira en enfer obligatoirement. Allah ne lui pardonnera pas. Et d'autres savants disent que non, il est sous la mashi'a. Parce que si on veut appliquer cette règle-là, on contredit le ijma', le consensus selon lequel celui qui fait du petit shirk ne s'éternise pas en enfer. Si on veut appliquer cette règle linguistique, dans un autre verset, on l'a cité, إِنَّهُ مَنْ يُشِرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ Celui qui associe à Allah, Allah lui a interdit l'enfer. Donc ici aussi, le verbe « innahu mayyushirik », celui qui est associé à Allah, à la base dans la langue, il comporte le grand shirk et le petit shirk. Mais qu'est-ce qu'on a derrière? Allah lui a interdit le paradis. Allah n'a pas dit « il le fera entrer en enfer ». Il y a une différence là. Allah lui a interdit le paradis, c'est-à-dire il n'ira jamais au paradis. Donc il s'éternisera en enfer. Donc on est obligé ici d'extraire le petit shirk de ce verset-là et de dire que ce verset ne prend en compte que le grand shirk. Donc pourquoi est-ce qu'on va extraire le petit shirk ici et le laisser dans Sourate An-Nisa, dans le verset « Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose ». Donc on ne peut pas laisser le petit shirk ici pour dire qu'Allah ne le pardonnera pas et qu'obligatoirement la personne ira brûler pour pouvoir se faire pardonner et ensuite rentrer au paradis. Mais dans ce verset-là, sortir le petit shirk parce qu'on va à l'encontre de l'ijma' selon lequel celui qui meurt avec le petit shirk n'ira pas éternellement en enfer. Mefhoum le kalam. Puis le shirk donc a défini le shirk en disant wa huwa da'watu ghayrihi ma'a. C'est l'invocation donc d'autres qu'Allah avec Allah. De même là, ce shirk-là, c'est le shirk dans la ibadah, ce shirk. Alors que le shirk, il est plus général que ce que vient dire le shirk, rahmatullah alayhi. Mais c'est le shirk général et dans lequel les peuples tombent. Le shirk dans l'asma wa sifat est rare. Le shirk dans la rububiyya est rare, même s'il existe. Mais vu sa rareté et que le principal du conflit entre les prophètes, les prêcheurs, les savants, les gens qui appellent à la vérité et les gens des passions, c'est au niveau donc du shirk, de la ibada. Donc il a dit da'watu ghayrihi ma'a. Donc c'est la da'wa d'autre qu'Allah avec Allah. On avait dit que ad-du'a, si vous vous souvenez, il a deux sens. Du'a ou l'ibada, du'a ou l'mas'ala. On l'avait dit lorsqu'on avait expliqué le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna al-masajida lillah, et les mosquées appartiennent à Allah, ou bien et les membres de prosternation appartiennent à Allah. Fala tad'u ma'a Allah ahada, n'invoquez pas avec Allah qui que ce soit, selon un tafsir, selon la définition de ad-du'a comme étant du'a al-mas'ala, c'est-à-dire la du'a de demande, qui est donc la demande qui est introduite par « Ya, oh » avec accent circonflexe en français. « Oh Allah, oh le tout miséricordieux, donne-moi ceci. » Ça c'est « Dua al-mas'ala », la dua de la demande. Et c'est une unité de l'autre dua qui est « Dua al-ibada ». « Dua al-ibada », donc c'est la demande de l'adoration. La salat entre dans « Dua al-ibada ». Le jeûne entre dans « Dua al-ibada ». Toutes les adorations sont du'a al-ibada. On avait dit que l'autre, c'était une demande par la langue, du'a al-mas'ala, et du'a al-ibada, c'est une demande par par tes actes, et c'est une demande par ta manière d'être. Car tu demandes la miséricorde d'Allah, tu demandes l'agrément d'Allah, tu demandes le paradis. Donc ici aussi, le cheikh, lorsqu'il a dit da'watu ghayrihi, on peut le traduire par les deux sens. Donc, l'adoration d'autre qu'Allah, avec Allah, ou bien la demande à autre qu'Allah avec Allah. Wa dalil wa qawluhu ta'ala, et le dalil donc de cette notion selon laquelle il faut adorer Allah uniquement en délaissant le shirk. Donc le dalil est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a, et adorer Allah et ne lui associer rien et ne lui associer quoi que ce soit. وَعْبُدُ اللَّهِ, et adorer Allah. Ça, c'est par rapport au ifrad. C'est quel pilier? Al-ithbat, la confirmation, l'affirmation. وَعْبُدُ اللَّهِ. Donc, tu confirmes l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est suffisant? Quraysh يَعْبُدُونَ اللَّهِ. Quraysh adore Allah. Ils adoraient Allah. Ils adoraient Allah. Laissez ibadah haqiqiya. Ils adoraient Allah. وَعْبُدُ اللَّهِ, et adorer Allah. Ça, c'est l'ithbat. Illallah. Après, il faut la ilaha. Wa la tushriku bihi shay'a, et ne lui associer rien. Ça, c'est an-nafyu. C'est l'infirmation. Et il n'y a tawhid que s'il y a ces deux piliers. Donc, ce verset-là comporte les deux piliers du tawhid. An-nafyu, l'infirmation. Wal ithbat, l'affirmation. Ou bien la confirmation. Surat An-Nisa, verset 36. Donc nous avons terminé, Inch'Allah, la troisième partie de l'introduction. Et Inch'Allah, nous commencerons, bihawlillahi azzawajal, donc le cœur du texte, la séance prochaine, bihawlillahi azzawajal. Donc nous résumons rapidement ce paragraphe-là, qui est important, dans lequel le shikh a donc défini al-hanifiyya, qui est pris de la déviance dans la langue arabe. Al-hanifiyya, c'est la religion d'Ibrahim. La religion d'Ibrahim, qui est la déviance, le détournement du shirk visant le tawhid tout en étant constant, ferme sur celui-ci. Al-millah, c'est pris de al-malal, qui est la fréquence, la répétition. Tariqun malil, c'est une route qui est prise fréquemment et qui est donc toujours pareille. Et al-malal, la lassitude, est prise de la fréquence du fait du retour sans cesse de la même situation. Puis ensuite, le shirk a dit, que la mila d'Ibrahim, elle se fondait sur deux piliers. Laquelle? Al-ibada. Premier pilier. Deuxième, al-ikhlas, la sincérité. Celui qui adore Allah, n'étant pas sincère, n'est pas sur la mila d'Ibrahim. Celui qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi n'est pas sur la mila d'Ibrahim. Celui qui adore Allah et aussi avec lui autrui n'est pas sur la mila d'Ibrahim. Puis ensuite, il a donné le dalil, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Il a défini ensuite ya'budun par yuwahhidun, et c'est la définition d'une généralité par une unité le composant. Ensuite, il a dit wa a'damu ma amara Allah bihi at-tawhid, et la chose la plus importante qu'Allah a ordonnée est le tawhid. Na'am, car c'est par cela qu'on entre dans l'islam. Et c'est par son contraire que l'islam est annulé. Wa huwa ifradullah, al-ifrad, Il n'y a ifrad, isolation, exclusivité que s'il y a présence de deux piliers qui sont l'affirmation et la confirmation. Wa a'dhabu ma naha anhu shirk, et la chose la plus importante qu'Allah a interdit est le shirk, qui est le contraire du tawhid, qui se compose des trois catégories composant le tawhid. Shirk dans la rububiyya, la seigneurie, shirk dans al-uluhiyya ou bien l'ibada, l'adoration ou bien la divinité, shirk fil asma'i wa sifat, shirk dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa da'watu ghayri ma'ah. On vient à l'instant de l'expliquer. Et le dalil, wa'budullah, et adorer Allah, ça c'est l'ithbat, wa la tushiriku bihi shay'a, ça c'est al-nafyu. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.